Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous voici de retour pour un nouveau numéro de Dr Disco et Mr Funk. Alors on va attaquer tout de suite avec la découverte du jour. Alexander O'Neill et Chiral et leur titre Saturday Live. Love, pardon. Alors le titre il va dater de 1985 et il est extrait de l'album Hide, Priority. La chanson va atteindre la seconde place des charts, c'est pas mal vous allez me dire. Alors ils vont faire une reprise du titre en 2007 et cette fois-ci ça atteindra une modeste 31e place. Bon, comme quoi les reprises ça a pas toujours du bon. Allez, c'est parti. Oh man, there's some good-looking ladies in here, man. This ought to cheer you up a little bit, Alex, you know? Right. I can't help it, man. I still think about her. Yeah, I know it's hard to forget sometimes. Yeah, it's rough sometimes. Excuse me, Mr. O'Neill. There's a young lady over at the bar asking for you. Nobody knows I'm here. Well, I'm afraid she was quite insistent. Oh no, it's her. Well, don't stand there, man. Go over and say something to her. But I don't know what to say to her, man. If you still care, it won't be hard. It's been a long time. I can never think I was going to see you again. See, you haven't changed. Can explain. would all be together. Sometimes things just don't work out like we thought. Life goes on and people grow out of things that fit before. But Saturday remains the same, and I hope it'll never change. For always and forever, you will be mine. You will be mine. You will be mine. You will be mine. Be mine. Be mine. Oh, let's sing it together. Pour les 100 hits qui ont fait le disco, on s'attaque aujourd'hui à Gloria Gaynor et son Never Can Say Goodbye. La première fois qu'elle entend le hit, elle est à la fois surprise et déçue. Le titre, il paraît sous la forme d'un maxi 45 tours avec Honey Bee et Reach Out, I'll Be There. Le tout enchaîné en 19 minutes. Le disque, bah, il est conçu en partie pour les DJ. Ça va pas empêcher Never Can Say Goodbye d'être classé numéro 1. À l'origine, c'est une chanson triste enregistrée par les Jackson 5. Harold Wheeler va réinventer totalement le sens de la chanson en écrivant un arrangement massif et énergique qui rend le message plus optimiste. Gloria va alors faire jaillir du plus profond d'elle son âme de gospel pour devenir une diva du disco. Ce rôle, eh bien, elle va le défendre durant toute l'ère disco, malgré vents et marées et la concurrence avec Donna Summer. En 1978, elle est à deux doigts de tout arrêter à cause d'un accident de scène qui lui paralyse le bassin. À peine remise, elle reçoit un immense cadeau. Les compositeurs Perrin et Fekaris lui offrent « I Will Survive ». Au-delà du succès, c'est tout un symbole qui arrive. D'un côté, en 1974, elle chante qu'elle ne pourra jamais dire au revoir et en 1978, qu'elle survivra à l'adversité. 40 ans plus tard, on en parle encore. Goodbye. No, no, no, I trajette d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On continue avec nos albums et surtout avec celui de Donna Summer, Bad Girl. Dim All The Light est sorti en août 1979. C'est le troisième extrait de l'album. La chanson est écrite et composée par Donna Summer himself. Elle est produite par Giorgio Moroder. Elle va se classer deuxième des charts. Avant la sortie de Dim All The Light en août 79, Donna Summer avait sorti Hot Stuff et Bad Girl et plus tard, le duo No More Tears, Enough Is Enough avec Barbara Streisand, qui ont toutes trois atteint la première place du Billboard Hot 100. C'est le classement aux États-Unis. C'est le seul grand succès de Donna Summer, qui est écrit entièrement seule. Elle va d'abord envisager de confier Dim All The Light au chanteur anglais Rod Stewart, mais elle change vite d'avis. La chanson a provoqué un désaccord entre Donna Summer et le président du label Casablanca, Neil Bogart, qui avait promis d'attendre un mois de plus avant de sortir le duo de Summer avec Barbara Streisand pour permettre à Dim All The Light de se classer en premier dans les hit-parades. Mais l'histoire en a fait autrement. No. le maxi, je vous entraîne sur les traces de Inner Life et son fabuleux titre I'm Caught Up, paru sur l'album éponyme fin 1979. L'album en lui-même fait partie des 100 plus grands albums disco de tous les temps, c'est pour dire. Le rythme, le son bien disco, tout y est, mais assez parlé. C'était en 1979 et ça donnait ça. In one night.

shelter, baby. Gotta run for shade. It's too hot. It's so, so hot, baby. Gotta cool this anger. Gotta cool this mess we made. It's so warm. So warm. On va se quitter sur ces notes. Je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous même heure, même endroit, samedi prochain. Bye bye.